Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 5 au 11 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Jasmine Raymond-Dreville est en congé aujourd'hui, mais par contre, plus tard dans l'émission, pour la toute première fois, on va avoir la présence officielle de DJ Catardi pour co-animer un peu l'émission et mais aussi pour présenter sa première chronique. J'ai très, très hâte d'entendre ça. La semaine passée, nos numéros 1 étaient du côté francophone. Qu'est-ce que c'était? Fally Bloom avec Parfait Parfait. Et en anglophone, c'était The Cat Empire avec Waiting. On va voir si ça tient d'ici la fin de l'émission. On a plein de choses à vous présenter avant ça. Il va y avoir, bien sûr, les instants classiques d'assemblage requis, que j'ai hâte de vous présenter tantôt. On a aussi 6 nouvelles entrées, les Breastfeeders, Ariane Moffat, Galaxy, Charlie Winston et The Ketamines. Mais on débute en 20e place. Voici On a créé un monstre avec un autre extrait de leur album L'Iceberg. C'est Brûle au 89.1 FM. C'est fou. Dans vos oreilles. Bonne émission. OK, Antoine. OK. Je suis prêt. À vous. Un peu de réconfort pour terminer ce soir de mai. Un courant d'air siffle en traversant l'appartement. Pendant qu'un feu ravage d'à côté, un air de ronde dedans alimente le tourment. Brûle, brûle, brûle, la flamme brûle. J'ai mis de l'essence sur la planche. Le salon devient une piste de danse. Les chants sortent de partout. On s'éloigne lentement du toit comme des lucioles au dessus d'un champ. Il faudrait sûrement que je pense à descendre, mais la pesanteur me retient sur le divan. Un délire franchit le périmètre. Je ne frissonne pas. L'étage d'en dessous. Maintenant, je suis lucide. C'est fou dans vos oreilles. Numéro 19, nouvelle entrée. Hello, hello, it's you and me again. How can we pretend we've never met? Hello, hello, you might as well come in. We've been making beds for so long now. I never told you that I want you. I thought I had you out of my head. Yeah, yeah, yeah. Whoa, but every time she leaves me, refusing to believe me, you're always there. And even though I don't invite you, and your presence is a pain, Charlie Winston et la pièce Hello Alone en position numéro 19 anglophone. C'était précédé en franco de Galaxy avec Entre la lumière et le bruit. C'est un des nombreux extraits là, de l'album Tigre et Diesel. J'ai compte plus, tellement il y en a eu. On va finir par faire le tour de cet album-là de Galaxy. Avant ça, on a entendu aussi en nouvelles entrées en 20e place anglophone de Ketamines avec Teenage Rebellion Time sur leur album Spaced Out. Et on a débuté tout ça avec On a créé un monstre, la pièce Brûle. C'est un autre extrait de l'album Iceberg. Iceberg, il me laisse pas de froid du tout, cet album-là. Comme on pourrait dire, on pourrait aussi ne pas le dire parce que c'est pas drôle. Il reste deux nouvelles entrées, donc on va rester du côté anglophone. On passera les franco tout à l'heure. Question de mettre toutes les nouvelles entrées en début d'émission. Tout à l'heure, il y aura The Jezebels avec Tricolor. En fait, donc, c'est, les nouvelles entrées sont du côté franco. On rembobine la machine et on recommence du côté francophone. C'est là qu'on va rester pour l'entendre tout à l'heure, les Breastfeeders avec Poupée à dormir debout. On débute avec le nouvel extrait d'Ariane Moffat. C'est le premier extrait de son nouvel album Emma. Voici Mon corps au 89 FM. C'est un condensé de la meilleure musique que ces fois à vous offrir. Et si vous trouvez que je suis plate, redondant, douteux et erreur technique au fil, c'est tout à fait vrai. DJ Catardi sera avec moi pour sauver la mise. Posez, en tout cas, c'est supposé. Est-ce qu'elle serait là? Je l'attends. Quoi faire avec mon corps? Le coucher tôt, le lever tard, lui faire faire le sport. Quoi faire avec mon corps? L'exciter, l'exhiber ou encore lui donner tort? Quoi faire avec mon corps? L'intoxiquer, le purifier ou le peindre en noir? Quoi faire avec mon corps, le faire courir ou méditer, le garder vivant ou lui donner la mort? Wow, enfin une nouvelle entrée des Breastfeeders, poupées à dormir debout sur leur album Dans la gueule des jours. Eux autres non plus, on compte plus les extraits, là, le nombre d'extraits qui sont sortis de cet album-là, c'est génial, ils sont tellement prolifiques. Avant d'entendre Ariane Moffat avec son nouvel extrait Mon corps, c'est le premier de l'album Emma. Voilà pour les nouvelles entrées cette semaine, il y en avait 6 et sais-tu qu'on termine cette première demi-heure de l'émission. Tant qu'à ça, avant de passer aux choses qui ne sont plus des nouvelles entrées, on s'arrête un instant, puis on revient après ça, puis on a du fun. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Je cherchais comment revenir de ça, avec une petite musique de même, c'est toujours entraînant. On a terminé les nouvelles entrées tantôt pour les palmarès, c'est fou. On va continuer avec les pièces qui bougent, qui changent de place. Tout à l'heure, il y aura The Jezebels en 17e place qui descend de la 13e. On débute avec un morceau qui descend de 8 places. C'est le nouvel... Ben alors, c'est rendu en 18e place, est-ce que ça veut dire? C'est Duchess 16 avec l'excellente et la très bougeante pièce Narcisse. 6e semaine de présence sur l'album In a Funk Day Tea. On écoute ça à l'instant au 89 FM. Puis on aime ça, hein? Puis il faut tout le temps que je trouve quelque chose à dire entre chaque bout de... que j'ai plus rien à dire. Puis là, la chanson commence. Les instruments arrivent à un moment donné plus que ça. Les blocs. Wow. partie 7. Great conversation, smothered on me, journey my soul over time. You seem like a right-off compromise, going for mind over mind. Take all of my heartache, salted robot. Make a hell of a morning. Bring me some gold from the vine. The Jezebels et la pièce Tricolor en 17e place anglophone. C'était précédé de Dutch 16 avec Narcisse qui descend de 8 places, 6e semaine de présence. Alors, on est rendu au 16e place. On va l'entendre tout à l'heure, Set the Whale. J'adore cette pièce-là. C'est sa deuxième semaine et elle est montée de seulement 3 places. J'ai hâte de l'avoir montée plus que ça. Sur l'album Little Mountain, ce sera We Are 1980. Mais on débute avec une formation québécoise, Les Revenants, et leur album Bête Lumineuse. Ça monte de 4 places. C'était nouveau la semaine passée. Voici Beau Danseur au Palmarès C'est Fou au 89,1 FM. Outside. I sent you back just the smoothest rock I could find. Accompanied by just a couple of words came to mind. It's an old concept, sending letters again. Well thought out, rehearsed and written in pen. Paperless here is a thing of the past. Down the trees and using our guys. So we've got Mandarax, loveless sex and information passing right through our skinny night. Know I had rules and know I had to abide. information passing right through our skin. Oh, oh. It's the information age, a lesser consequence to the silence. The information age, a self-dependent real stationary. The information age, a lesser consequence to the silence. The information age. Are 1980 par Seth The Whale sur l'album Little Mountain. Position numéro 16, ça monte de 3 places. C'était nouveau la semaine passée. Et avant, on a entendu Les Revenants avec Beau Danseur qui, elle, monte de 4 places. Et c'était aussi nouveau la semaine passée. Et l'album à eux s'appelle Bête Lumineuse. On est rendu en 15e place. Du côté anglophone, on entendra Foxy Shazam avec Holy Touch qui monte de 3. Mais tout de suite, voici Simon Kingsbury sur la compilation des Francouvertes 16e édition. C'est la pièce Feu d'artifice au 89.1 FM. numéro 15. WQRX, that was a new hit, but really? Foxy Shazam et Holy Touch. Pour son numéro 15, ça monte de 3 places. Avant ça, en franco, c'était Simon Kingsbury avec Feu d'artifice qui monte de 4 places. C'était nouveau la semaine passée dans les... non, juste dans ce cas-là. Là, ça fait 3 semaines que c'est là. Il nous reste deux dernières pièces à entendre en cette fin de première heure. Tout à l'heure, il y aura The Bar Brothers avec Beggar in the Morning qui monte de la 17e. Et on débute avec Winter Myths et ça monte de 4. C'était nouveau la semaine passée. Il y avait beaucoup de choses hein, de nouvelles la semaine passée. Voici Le Paradis. Sur C'est fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. 14. Capsize, but we won't drown. hold each other as the sun goes down. I'm a beggar in the morning, I'm a king at night. My belt is loose, my trigger is tight. They come without warning, at the speed of the light. Make it shine so pretty, make it shine so bright. Bagger in the Morning par The Bar Brothers, position numéro 14, ça monte de 3 places. Et avant, Franco, c'était Wintermits avec Le Paradis qui monte de 4, c'était la semaine passée. C'est la fin de la première heure, on se retrouve tantôt avec, entre autres, la musique d'Audionaut, Library Voices, Plants and Animals, The Wood Pigeon, The Cat Empire et Marie-Pierre Arthur. On aura aussi DJ Catardi qui s'en vient avec sa nouvelle chronique et les meilleurs moments d'assemblage requis. Restez là. C'est assez fou pour l'écouter. Bon, retour sur la deuxième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 5 au 11 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Jasmine Raymond Réveil est toujours en congé aujourd'hui. Mais, si tout va bien, DJ Catardi devrait venir en studio pour présenter cette nouvelle chronique et aussi co-animer un petit peu avec moi. Oui. Donc, on va débuter cette deuxième heure directement en sautant des choses. Hein? Pourquoi pas, on aime ça. Du côté du francophone, oui, on va sauter par-dessus Gasoline avec leur extrait homonyme Gasoline, qui est stable en 13e. En anglophone, on saute par-dessus Steve Hill avec Burn, qui monte de 3 places. On va faire ensuite de ça un bloc 3 quarts, donc on va jouer 3 pièces sur 4. On va sauter par-dessus, malheureusement, Salomé Leclerc. On va entendre, par contre, dans le bloc Plants and Animals et Library Voices. On débute avec Audionaut, qui monte de 5. C'était la nouvelle entrée la semaine passée. Voici Sur les ondes. Au palmarès, c'est fou. C'est un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. I'm not lying. I don't lie. Never lie. Mens pas.

don't go. You turn me on so with your bee sting lips and your pep the grinder hips like a thread and a needle. We're just typical people. We're hoping to be friends, do cool stuff, and be equal. I think that's where it's at. Can we just say that that, oh, was the end of that? Plants and Animals et The End of That en position numéro 11, ça monte d'une place. Et en francophone, on n'a pas entendu Salomé Leclerc et Garde-moi collé qui monte d'une aussi. En 12e avant ça, en anglophone, on a entendu Larry Voices et Traveler's Digest. Et en francophone, c'était Audionautes, les gagnants des Mardis de la Relève 2011. Et la pièce Sur les ondes qui monte de 5 places, c'était nouveau la semaine passée. C'est donc un bloc 3 quarts, on va en faire un autre bloc 3 quarts. Et on va entendre là-dedans du Marie-Pierre Arthur et du Cal Empire. Avant ça, on va commencer avec Wood Pigeon. Et tantôt, là, bon, je ne sais pas si vous vous rappelez au début du précédent... la pièce qu'on vient tout juste d'entendre là, juste pour vous rappeler comment le début de cette pièce-là sonnait. C'était comme ça. Tu sais, avec des petits bâtons fatigants. Le prochain bloc commence aussi avec des petits bâtons fatigants. Pareil, mais pas sa même note. Tu vas remarquer, tu sais, mettons, je remarque ça ici. Mettons ça, tu sais, c'est comme ça. Tu sais, puis l'autre, c'est... Hein, tu sais? Wood Pigeon for Paolo, Palmarès, c'est fou. C'est un commentaire éditorial sur le fait que je suis tanné d'entendre des bâtons au début des pièces. C'est juste ça. Thank you. verra. Down and all out you Lancé numéro 1 de la semaine passée de Cat Empire et Waiting, maintenant en 9e place. Et en francophone, on a entendu Marie-Pierre Arthur avec Fil de soie qui descend de 5 places. Avançant en 10e place anglophone, c'était Wood Pigeon avec Four Paolo qui monte d'une place. Et on n'a pas entendu Funambule avec L'Entre des Indécis qui monte d'une place aussi. Voilà. Donc, on est rendu aux positions numéro 8. Maintenant, on va les entendre une après l'autre et c'est tout. Pas de bloc de 4 places cette fois-ci. Pas de 4 pièces à un moment donné, c'est long. C'est pas trop souvent dans l'émission. Tout à l'heure, il y aura Jane's Addiction avec Curiosity Kills Stable. Mais tout de suite, voici les Dale Hour Chuck qui descendent de 5. C'est Rum and Coke. Sur C'est Fou, 89.1 FM. C'est pas le malin, c'est fou. Jane's Addiction et Curiosity Kills, stable en 8e position anglophone. Avant, en franco, on l'a entendu, bien évidemment, les Delaware Chuck, vous les avez reconnus, c'était Rum & Coke qui descend de 5 places sur l'album Le Tour du Chapeau. On va écouter tout de suite les 7e places avant d'accueillir DJ Catardi, notre super nouvelle chroniqueuse, qui sera dans quelques minutes. Mais pour l'instant, donc, Topanga avec Fogo Island qui monte de 13 places. On débute avec Neuron, ça monte de 1 et ça fesse dans le champ, sur le bord du champ, en tout cas, parce que la pièce s'appelle Champ Bar. Ah non, pas encore des bâtons au début de la pièce. Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, fatiguant. Eastern coast. C'était Topanga et Fogo Island, position numéro 7. Ça monte de 13 places et c'était nouveau la semaine passée dans les palmarès C'est fou. We love. Donc, toujours, oui, au palmarès C'est fou, il y a Jet Cattardy qui vient d'arriver en studio. J'espère qu'elle va bien. Est-ce que c'est vrai qu'elle va bien? J'entends dire que oui. Tout baigne. Tout baigne? Ouais. Everything's donuts? Everything's really dough. Dough. Doughy. Comme Homer Simpson. Il est pâteux. C'est ça. C'est ça. Wow. Ça a bien du sens. Mm. Hey, je suis content de t'avoir. On a eu du plaisir à te présenter il y a quelques semaines avec plein de moments inconfortables et de silence et de choses qui venaient nulle part, finalement, un peu comme ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et ce n'est pas terminé, non. Chers auditeurs. Ça ne fait que commencer pour toujours, espérons-le, avec ta nouvelle chronique qu'on présentera plus tard dans l'émission. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est exact. C'est vrai. Il va falloir patienter une petite demi-heure parce que 4h20 n'est pas encore à nos portes. Ça, tu veux que ce soit à 4h20 exactement. On va tout interrompre. La pièce est en train de jouer. Schlack. Pour parler avec Cattardy, c'est ça? Ben, il y a des choses importantes. Moi, j'ai mes priorités à bonne place. Je sais pas pour toi. Ah ben maintenant, t'es number one. Number one. Straight to the top. C'est pour ça que ça s'appelle palmarès. Ben, Colin, c'est bien ça. Maintenant, après plusieurs années de palmarès, on sait pourquoi ça s'appelle les palmarès. C'est fou. C'est à cause de Cattardy. On a juste du number one qui joue dans nos ondes. Wow. C'est poétique. Toujours. Donc, oui, on va avoir DJ Cattardy tantôt dans l'émission. On va aussi avoir les meilleurs moments d'assemblage requis. Ça, c'est l'émission du matin, hein? Lundi au jeudi 17h à 9h. Ça va être présenté dans quelques minutes, tout à l'heure, après le prochain bloc. Pourquoi pas, hein? Je fais les promesses. Ça va être là tantôt. Là. Bon, je voulais te le faire entendre à toi. J'attendais que tu arrives pour le faire. Mais on va aussi avoir la section ailleurs dans les palmarès. On en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, c'est les positions numéro 6 qu'on s'en va entendre. Du côté anglophone, il y aura Dr. Doug avec That Old Black Hole. Étrange titre lorsque traduit en français. On ne le fera pas. Ça monte d'une place. On commence par contre en francophone avec la formation Avec Podcast. Que je pense que DJ aime particulièrement côté titre, nom de groupe. Avec Podcast, c'est bon ça? Hein? Ouais, c'est pas pire. C'est pas pire. Voici Talent, 89.1 FM. C'est les palmarès, c'est fou. Thank you. ce talent. De lesbiennes que de gens de couleur, c'est peut-être un hasard, c'est peut-être un hasard. Numéro 6. Dr. Doug et That Old Black Hole en position numéro 6 à mon d'une place. Et avant, c'était en francophone avec Podcast et la pièce Talent qui monte de la 14e sur l'album Astronomie au Palmarès C'est Fou. Et maintenant, DJ Catardi qui est toujours avec moi. Ça l'air? What up? What up, bitch? Hein? Bon. What's going down? Soyons pas vulgaires comme ça. Ouais. Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire, moi, ce qui se passe, je vais te faire pénétrer dans le monde des blagues douteuses de l'émission du matin Assemblage Requis. Voici un instant classique. Classique, classique, instantanément. C'est un instant classique, classique.

On est à quelques minutes de la chronique, de la nouvelle chronique de DJ Catarzy, mais pour l'instant, on va terminer l'heure ici parce qu'il est déjà presque le moment de passer à nos prochaines positions et on va avoir du plaisir dans cette troisième heure. Alors, restez avec nous. Moi, je pensais que j'avais ça ici. Ah, j'avais ça stock! J'étais de fin. Ouais. On va voir la musique de Midi Cayenne Club, Elliot Brad, Band of Skulls, Sago, Fanny Bloom et Las Capucinos plus tard. Alors, restez avec nous. C'est Palmarès Fou. C'est fou. Pour l'écouter. 89.1 Troisième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 5 au 11 mars 2012. Elle, c'est DJ Catardy en remplacement de Jasmine Raymond-Drainville. Et moi, c'est Mathieu Plante, bien évidemment. DJ Catardy qui arrive comme ça pour la première fois et je laisse à peine parler. Donc, dis-nous ce que... raconte-nous une joke! Ah oui, raconte-nous une joke! En fait, au contraire, non. Je vais y aller avec quelque chose de très sérieux. Non! Oui, je suis horrible, je sais. Mais en même temps, des fois, ça fait du bien de se préoccuper de certaines choses. Oui, la société et tout. Comme sauver le monde. OK, les otaries, les phoques, les baleines, non? Même pas. Non? Les enfants soldats. OK. Un film qui est vraiment tombé viral sur Facebook dans les deux derniers jours. Ça s'appelle Kony 2012. Vous avez sûrement vu quelqu'un qui a posté ça. Là, vous avez checké. Ça faisait 27 minutes, puis vous vous êtes dit que c'était trop long. Mais je vous recommande fortement de le checker. Kony 2012. K-O-N-Y 2012. Et c'est vraiment bien fait. Je pense que ça vient vraiment nous rechercher dans le concept de conscience universelle, puis aussi du sort de l'humanité, c'est-à-dire... pas se laisser marcher sur les pieds par les gouvernements puis être capable de prendre notre destinée en main. Et c'est ce que ça interpelle les gens de faire. Et ça commence avec un problème qui est plutôt concret, c'est-à-dire un dictateur ou en tout cas, du moins un méchant en Afrique qui capture les enfants dans leur sommeil pour leur donner un gun dans les mains, les rendre accro à toutes sortes de choses et les forcer par la suite à tuer leurs parents. Rien de moins. Mm-hmm. Donc... c'était ma petite minute BA. Allez regarder cette vidéo-là, ça vaut vraiment la peine. Kony 2012. Merci, Kat. Ouais. Bonne idée, ça. En effet, très sérieux en même temps, ça vaut la peine d'être dit. Donc, tantôt, ta chronique s'en vient vers les... on dit 16h20 pour les gens qui nous écoutent en direct le jeudi, parce qu'on aime ça, 4h20. Hein? Ça va être beaucoup moins sérieux. Sûrement. Oui. Je le promets. T'es comme un Oreo, si on veut. T'as la crème et le biscuit. Le sérieux et le moins sérieux. Hein? Je sais pas pourquoi, mais j'ai écouté une émission d'Occupation Double, puis ça m'avait vraiment traumatisée. C'était okay. Le côté sucré, le côté givré, plus fibré, puis le gars, il s'est fait niaiser là-dessus, toute l'émission, il paraît. Ah oui? J'ai vraiment pas envie que ça commence. OK, ben je ferai pas ça. C'est bon. Mais quand tu me dis Occupation Double le fait, je vais dire non, merci. Donc, on est rendu au position numéro 5. Du côté anglophone, ce sera Elliot Brad avec If I Get Old qui monte d'une place. Mon débute avec Midi Cayenne Club. Ça monte de 5. Voici au Canada. Ça, c'est fou. Dans vos oreilles.

sous la ligne soulève les corps de chambre. Alors je fais du café et je vais me recoucher. C'est à l'envers que j'y crois. Le velours sous tes genoux, le velours sous tes genoux. Fille, je les regarde jaloux. Au loin la mer te courtine. C'est un navire qui s'enlise. C'est un navire qui s'enlise. Bad of Scars, la pièce The Devil Takes Care of His Own. Vous l'aurez compris par le fait qu'il dit comme 80 millions de fois. Ça monte d'une place en quatrième anglo. Avant ça, c'était Sago avec Piano Mal qui monte d'une place. Lui, par contre, il dit moins souvent son nom de pièce, mais son album s'appelle aussi Piano Mal. DJ Catardi qui va faire sa chronique qu'on va appeler Drop the Bass. to the bass. C'est ça, dans quelques secondes. Mais avant ça, je voulais lui offrir un cadeau, si tu me diras ce que t'en penses. Et là, c'est comme un jeu, OK? Parce qu'il y a deux de mes chroniqueuses que c'est moi qui ai fait leur chanson thème, tu sais, en chantant, parce que j'ai un talent incroyable, tu vas voir, ça va être débile. Donc, je t'ai comme composé, si on veut, mettons, une petite chanson thème, juste, tu vas avoir le choix de faire jouer de la vraie après, là. Mais, OK? Il y a une instruction, par contre, aussitôt que je dis c'est Cathardy, il faut t'écouter comme faut, parce que des fois, je vais dire d'autres choses. C'est Cathardy, il faut faire que tu dises c'est Cathardy. OK? Mettons, elle pratique, c'est Cathardy. C'est Cathardy? Mais chanter, là, c'est Cathardy. Tu vas dire ça, OK? OK? Attention, là, ça commence, là, c'est un jeu, là. Faut faire attention, OK? Hey boy, tu m'embarques dans des affaires, toi. Ça va être débile. Elle fit dans aucune catégorie, c'est Cathardy. C'est Cathardy. Combien t'as d'affaires dans ton panier? T'as cathartique, c'est Cathardy. C'est Cathardy. T'as des lolcats sur ton PC, c'est Cathardy. C'est Cathardy. Cathardy. Qu'est-ce que tu viens de dire, là, man? Qu'est-ce que t'as dit? C'est Cathardy. C'est Cathardy. Yeah! Hein? On va aller loin avec ça. Je pense que le sommet, c'est pour nous. Parti pour la gloire. Drop the bass. C'est Cathardy. Right. Ouais, Cathardy. Fait que c'est ça. J'ai décidé d'appeler ma chronique Drop the Bass parce qu'on n'a jamais assez de bass. C'est vrai ça. Puis moi, je suis convaincue que plus on a de bass, puis plus on est heureux, plus notre cœur bat vite. Puis moi, j'aime ça quand mon cœur bat plus vite que le vôtre. Ouais. Mais je suis prête à partager mon BPM et c'est pour ça que instantanément, vous pourrez aller regarder sur mon blog djcathardy.com. Tous mes nouveaux sons vont être évidemment postés là-dessus. Fait que vous aurez le lien en un clic, djcathardy.com. En plein center du front page, comme on dit dans le domaine de l'anglophone. That's what's up. So, assez critiqué, assez rigolé, on va entrer dans le vif du sujet. Cette semaine, ma chronique est entièrement dédiée au dubstep. Oh. Savez-vous qu'est-ce que c'est le dubstep? Ça a l'air flou un peu comme définition. On me dit que c'est plein de choses, mais en même temps, c'est pas grand-chose, mais c'est bien des choses en même temps. Et puis comme, non, je comprends pas. Explique-le-moi, s'il te plaît. Écoute, il y a beaucoup de bass. OK. C'est vraiment dirty. C'est comme le rap 2.0. Parce okay. qu'on s'entend que quand Cypress Hill, Wu-Tang Clan, Snoop Dogg, puis Wyclef, ils font des beats dubstep, c'est parce que je pense que c'est rendu nouveau rap, là. OK. On est rendu là. C'est sûr qu'il y en a qui vont se dire dans leur foyer, à la maison, dans leur voiture, « Aberration, mais que dit-elle? Ça ne se peut pas. Rap et pop, c'est pas assez... c'est beaucoup trop chillo pour être mis dans la même catégorie que le dubstep. » Mais, voyez-vous, la musique évolue. On peut pas s'empêcher de mélanger tous les genres, tous les styles. Et moi, c'est ce qui me fait triper. Donc, aujourd'hui, on commence avec un classique, c'est-à-dire un artiste qui a raflé plusieurs prix aux Grammys. Il a raflé les prix tel qu'il s'était raflé le côté de la tête. Quand il s'est fait couper les cheveux, c'est raflé, là. Ouais, mais ça, c'est un beau style, ça. Moi, j'aime bien ça, là. Ouais. J'étais allée à Berlin cet été, puis c'était assez trippant. Tout le monde est de main? Il n'y avait pas personne qui avait des cheveux normaux, pas de tatou, pas de piercing. Ouais. C'était le fun. On s'y habitue vite. Ouais. Puis on trouve que notre vie est dolle après. On est plate, c'est ça. Mais ça, en même temps, ça me faisait dire, bon, tu sais, c'est un peu comme essayer d'être original tout en étant pareil comme tous les autres qui essaient d'être originaux comme toi. C'est un peu comme, non, je sais pas. Ben, l'opinion que ça m'a qui au premier regard, là, de ces cheveux-là. Tu sais, on pourrait s'arrêter à ça. Est-ce que la musique indie, la musique dubstep, est-ce qu'on écoute ça pour être cool ou parce que c'est vraiment bon? Parce que j'aime ça pour vrai, ben oui. C'est ça, tu sais, est-ce que les gens, ils se mettent des grosses lunettes parce que c'est la mode ou parce qu'ils y ont pensé avant? Là? Comme, mettons, toi et moi, mettons, grosses lunettes. À un moment donné, faut juste pas que tu te casses la tête. Fais t'aimes ce que ça, tu t'aimes veux. Ça, t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. C'est ça. Faut pas juger le monde. Faut juste faire ce que t'as envie de faire. Mais fais pas les choses parce que tu veux ressembler aux autres tout en essayant d'avoir la différence. Ça que ça veut dire. Hey, on est bien parti pour parler. Ouais. Donc, on va entrer dans le vif du sujet avec Skrillex, qui a raflé 3 Grammys. Et oui, ce n'est pas rien. Et c'est sa chanson Bangarang. Écoute ça, là. Donc, that's what's up. Oh yeah, drop the bass. Drop the bass. Tu me dis aussitôt que tu veux que j'arrête de parler. Comme mettons là, tu pourrais me dire arrête de parler. Je vais comprendre. Je vais te regarder à la place. Oh. Tu vas le comprendre. Wow. Il y a une tension qu'on peut pas saisir ailleurs que dans le studio. Imprenable. Shout to all my boss boys, sweet rowdy. Shout to all my boss boys, sweet rowdy. Shout to all my boss boys, sweet rowdy. Shout to all my boss boys, sweet rowdy. Shout to all my boss boys, sweet rowdy. Shout to all my boss boys, sweet rowdy. Donc, c'était Skrillex, Bangarang. Pour la prochaine, on va y aller avec The Sonics, un gars qui a déjà resté à Trois-Rivières. Ah, pour et vrai? Oui, c'est un local, un maudit bandoude. On y donne un petit shout-out maintenant. What up, yep, yep, Nikki, yep. The Sonics, pèlerin. Écoute, je sais pas qu'est-ce que tu fais en ce moment, peu importe quoi, mais cette track-là, elle est vraiment bonne. Puis en plus, c'est du talent local, fait que ça vaut la peine qu'on l'écoute comme il faut. Ça s'appelle « You Don't Like Me ». Et pour vrai, le vidéo aussi est pas pire. Moi, j'ai vraiment trippé sur cette chanson-là. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Et juste après, on va y aller avec une chanson de Mavaro, Chris Cab et Wyclef. Donc, je vous avais prévenu que Wyclef allait faire un petit drop dubstep et c'est exactement ça qu'il fait. Donc, la chanson après s'appelle Rihanna's Gun. Donc, The Sonics, You Don't Like Me et Rihanna's Gun. Ensuite, drop the bass. DJ Cathardi. Gonna play. Refugee Sound System. Holy God. This tune's called Rihanna's Gun. Rihanna's Gun. Wyclef Jean. Our hands and deck, you hear me? We the best. We the best. Lock the exits. You have just awakened the sleeping check. Giants. White left. All hands on deck. Chris Cab wanna talk to the girls, damn. When a woman's fed up, your car gets keyed up. She'll call 911 and police, they show up. They don't need no reason to put you in prison. She gives the order. Records Island. I used to hold you in my arms, now you're holding me in arms. Ticky ticky tock, then the siren, the alarm. Yeah, there's a riot in the bedroom, and I don't know if I'ma make it alive or in the tomb. She shoot me one time, she shoot me two times, she shoot me three times, she shoot me four times, and it feels like I've been hit. Rihanna's gun. One time, two times, three times. And I never got the chance to apologize. So baby girl, well, these are the roses. I picked them from your garden. I'm begging for your pardon. Please take me back in the morning. Yeah, well, these are the roses. I picked them from your garden. I'm begging for your pardon. Please take me back in the morning. She was targeting, targeting, targeting, targeting, targeting my heart. I knew she was up to something when I saw her in the dark. Her hand was on the burner and my things were in the yard. My hat, my shoes, my clothes, and my nylon string guitar. I told her that I love her, but I guess it's not enough. She slashed up on my tires, so I had to take the bus. I never would admit it, so she told me we were done. She said she found the paper with Stacy's number on the front. She shoot me one time, she shoot me two times, she shoot me three times, she shoot me four times, and it feels like I've been hit. Rihanna's gun. One time, two times, three times, four times, and I never got the chance to apologize. So baby girl, well, these are the roses. I picked them from your garden. I'm begging for your pardon. Please take me back in the morning. Yeah, but these are the roses. I picked them from your garden. I'm begging for your pardon. Please take me back in the morning. Can't hope could ever do me this. When I did show, we can never did miss. Sweet words, some of them pretty lips, and I shoot up the Benz and take with the chiss. In a sniggly life at stake. I'm sleeping in a bed with the snake. Get carried away by the sexy shape that make me up asleep and wake, wake, wake. She captured me without a fight. But baby girl, it's quite alright. They say two wrongs don't make it right. She say, why you carry roses to a gunfight? But suddenly, I went out of sight. No guns but roses. I picked them from your garden. I'm begging for your pardon. Please take me back in the morning. Yeah, but these are the roses. I picked them from your garden. I'm begging for your pardon. Please take me back in the morning. C'est ce qui conclut ma chronique Drop the Bass. On a entendu du Skrillex, on a entendu du Sonics, On a entendu du Mavado, du Wyclef, Chris Cab, tout le kit. Plein de sortes différentes de dubstep, ton sujet d'aujourd'hui, disons, apprêté à toutes les sauces. Ouais, exactement. Mais en fait, c'est le propre du dubstep, c'est vraiment d'aller chercher des influences d'un peu partout. C'est un truc qui pogne beaucoup au UK depuis une dizaine d'années à peu près. Eux autres, c'est rendu vraiment mainstream, c'est rendu un genre qui est très bien implanté. Même si on va un peu plus de du côté de nos voisins canadiens-anglais, eux autres aussi, ils capotent, ils jouent juste de ça dans les bars. C'est sûr qu'on est un petit peu en retard sur le bateau, mais... Ça résume il est le jamais... Québec en général pas mal en retard ouais, sur bien des choses. C'est ça, mais il est jamais trop tard pour embarquer dedans. Exact. Puis c'est ça, ça va vraiment chercher d'autres influences, genre drum and bass, UK garage, reggae, hip-hop, tout ça. Un gros mash-up de tout. Là. Dans mon cas, ça me fait entendre des choses que je ne suis pas habitué d'entendre. J'apprivoise ce domaine-là parce que c'est pas dans le genre qu'on joue dans l'indie d'habitude, mais c'est tant mieux parce qu'il faut varier nos genres des fois dans la vie, pas être fermé à aucune chose. Et j'apprécie ta présence, DJ Catardi. On appelle ta chronique Drop the Bass. Oui, ça me fait bien plaisir d'être là. Sortons de notre zone de confort ensemble. Voilà. Faisons le tour du chapeau et passons la rondelle dans le coin de la porte. J'essaie de faire des analogies de. Mais je comprends rien de sport. Plus t'es fou, plus on rit. Ah, voilà. Sortons plein de clichés comme ça. Pierre Kiroué, la masse pas mousse. Ouais. Ouais. Okay. Donc, DJ Catardi, la semaine prochaine et à toutes les semaines dans les Palmarès, c'est fou. On va apprécier ça d'une toute nouvelle façon au Palmarès. On continue avec le bloc des 3e et 2e places. On va entendre là-dedans Mauve, Islands et Los Campesinos, mais on débute avec Fanny Bloom. Voici Piano... pas Piano Man, excuse-moi, c'est Parfait Parfait. Parfait, ça? Parfait, ben oui. Tu restes avec nous un petit peu? Certainement. OK. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Numéro 3. Voltige. numéro 2. Always, de position numéro 2, ça monte d'une place. L'album s'appelle Sleep and a Forgetting. Et avant ça, du côté franco, c'était Mauve avec Madeleine qui monte de 5 places. L'album est Cinéma Plymouth. On a entendu aussi les positions numéro 3. En anglo, c'est Las Campesinos avec Songs About Your Girlfriend. Et en anglo, oui, j'oublie mes langues. En arabe, c'est. Donc, Fanny Bloom avec Parfait Parfait, l'ancien numéro 1, qui est maintenant en 3e place, francophone. Toujours avec DJ Catardi et Mathieu Plante, au palmarès, c'est fou. Catardi. Hey, tu vas être content, parce que là, on est rendu au numéro 1, premièrement, OK? Numéro 1, c'est palmarès, donc déjà, excitation totale. Je me peux plus. C'est ça. Au moins, tu fais semblant, c'est quand même pas si pire. Mais c'est le moment de faire des jeux de mots poche avec les numéros 1. C'est ce qu'on fait chaque semaine, c'est une tradition. Et je sais que t'aimes beaucoup et particulièrement mon humour. Tu l'apprivoises tranquillement, pas vite. Là. Humour, là, c'est entre très, très gros guillemets de toutes les sortes de couleurs. Là. Donc, c'est le moment de faire des jeux de mots tel un gars qui se répète de semaine en semaine. T'sais, c'est tout le temps la même affaire, encore et encore et encore. C'est plutôt un jeu de mots avec le nom encore, ça se fait drôlement. T'sais. Donc, c'est encore, c'est le nom de la pièce de David Giguère. Hein? J'ai guère compris ce que tu voulais dire. Mettons, t'aurais pu me dire. C'est, mettons, on va dire que tu comprenais pas le jeu de mots. J'ai guère compris. T'sais. Faudrait que tu le répètes encore une troisième fois. J'ai guère compris. Ouais, c'est... Tu ris de moi, non? Ça paraît pas du tout. Et il nous reste encore un léger bout de chemin à faire et non pas un long bout de chemin. Donc, à un moment donné, on va se rendre au but, hein, c'est ça? A long way to go, East Road. C'est à peu près ça, ouais. Il en reste un bail, ouais. Ouais, c'est ça. C'est sûrement, je dirais peut-être, les pires jeux de mots qu'on a eus jusqu'à maintenant, mettons. De qualité. Que de la qualité, que de beaux mix et que de belles entrées en ondes. C'est les palmarès, c'est fou. Il fallait mettre une première pour toi à un moment donné, puis aussi bien commencer mal, tu vas pouvoir juste monter après ça. Moi, je trouve ça va. Elle est née entre l'été et l'automne. Prison de mœurs et des amours, téléphone. Et puis elle joue, et puis me déjoue, et à son jeu, j'ai tout perdu. Mais

you're still alive. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire, give my mind a rest. Still a long way to go to reach the goals of my life. Keeping my dreams for tomorrow, it is slowly dying. Still a long way to go to reach the goals of my life. I'm keeping my dreams for tomorrow. Slowly dying. The crackling of the fire, the sweet song to my ear. Les positions numéro 1 des palmarès, c'est fou pour la semaine du 5 au 11 mars 2012. On va faire un petit récapitulatif avant de dire les numéros 1. Du côté anglophone, c'était Los Campesinos en 3e avec Songs About Your Girlfriend. En 2e, c'est Islands avec Always. Et on vient d'entendre East Roll en 1ère qui monte d'une place. La pièce est A Long Way to Go. En franco, en 3e place, la position numéro 1 de la semaine passée est descendue. C'est Fanny Bloom avec Parfait Parfait. En 2e, ça monte de 5 places. Move avec Madeleine. Et on a entendu tout à l'heure David Giguère avec Encore qui monte d'une place sur son album ICO. Et là, faut dire en ICO, j'aurais pu faire un jeu de mots tantôt là-dessus, mais ça aurait été ben trop facile. Hein? Et c'est ICO jusqu'à la première position. Yeah! Voilà pour cette édition des Palmarès et Fous. On va se retrouver jeudi prochain en direct entre 14h et 17h. Ce qui est après nous, c'est La Spirale à 18h avec Mathieu Leblanc-Houle. C'est une émission d'Indie Rock. Le vendredi, on repasse entre 17h et 20h. Ce qui est après nous, c'est Les Choix de l'Enfer avec du Loud Rock. On joue aussi les lundis entre 13h et 16h. Ce qui est après nous, c'est Boudoir avec les ladies qui vous présentent de la musique émergente. Je remercie DJ Catardi d'avoir co-animé avec moi et pour sa chronique évidemment nommée Drop the Bass. Voilà, Drop the Bass. J'essaie encore de retrouver le nom. Hein? Drop the Bass. Drop the Bass. Bass, motherfucker. Non, trop, hein? Trop loin. J'étais trop loin. Bass is your drug and I'm your dealer. Oh, wow! T'arrêtes plus, hein? T'arrêtes plus. Parlant de ne pas s'arrêter, les auditeurs du jeudi peuvent être retrouvés au célèbre Curly Toe. Curly Toe. C'est comme ça qu'on dit? Curly C'est exact. Toe. Je m'irai à l'instant pour un petit 7 heures en ligne de plaisir. Oh, wow! De bonheur entouré de bons amis et de verres de vin. Oui. Plusieurs verres de vin au pluriel. Pas juste quatre, hein? Quatre verres de... Catardi, non? Ben, c'est pas mal ce que j'ai comme bar bill, mais ouais. Ça se pourrait que ça dépasse. Ah oui, pas vrai? Oui. Ils se sont dit, bon, si t'appelles quatre, on va donner juste quatre verres. C'est ça. Principe. Donc, merci encore, DJ Catardi. À la semaine prochaine pour une autre chronique. Et puis, à la semaine prochaine pour vous aussi, qui écoutez à la maison que vous soyez. Restez sur nos ondes toute la journée. Allez voir le cif.ca pour la programmation et sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Certains d'entre vous allez entendre une pièce de la formation Funambule. C'est l'antre des indécis qu'on a sauté plus tôt dans l'émission en position numéro 10. Je dis certains d'entre vous parce que ça dépend où vous nous écoutez et quand. Genre, style comme, peut-être. Bonne fin de semaine, Kat. Bonne fin de semaine, Mathieu. Bonne semaine pour les gens qui nous écoutent à lundi. On les oublie tout le temps, les pauvres rejets du lundi. Joyeuses vacances. Amusez-vous bien. Genre. Soyez pas trop tannants, juste un peu. Ben, c'est ça. À un moment donné, tu sais, la semaine de relâche n'est pas encore terminée pour certains, donc vous pouvez vous lâcher lousse là-dedans, là. Hein? C'est ça. Pas trop d'abus, puis tout va bien aller. C'est ça. Exact. Ça résume bien la vie. On le sait qu'on parlait pour rien dire. Mettons, des fois, ça ressemble à peu près à ça, je trouve. Comme. Bye. Ça, c'est le début de la pièce que vous entendrez peut-être au complet. Bye. Ciel sous nos pieds tard au-dessus de nos têtes. Moi qui patauge dans la main. Je pourrais bien, peut-être. Le flou d'indécision et la marche qui défait mes frayeurs.